Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de Radio Guémozo, c'est Cassandra et aujourd'hui on se retrouve dans mon émission à l'écoute des jeunes. Vous nous écoutez bien sur le 107FM et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Madame Moulin Aurélie, sage-femme à Remiremont et travaillant au planning familial de Remiremont, accompagnée de Madame Corinne Crouvisier, conseillère conjugale et familiale sur le département. Et j'ai aussi la chance d'avoir Monsieur Jean Tisserand, ancien gynécologue de la maternité de Remiremont. Alors bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Et je voulais vous remercier de tous être là et d'avoir répondu présent à mon appel à interview. Donc je voulais savoir qu'est-ce qu'était le planning familial. Alors déjà, c'est pas, enfin, nous on travaille pas au planning familial. Le planning familial, c'est un statut associatif. Nous on travaille en fait pour, enfin, pour le centre de planification et d'éducation familiale des Vosges, qui dépend du département des Vosges. En fait, on est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. Dans les Vosges, il y a 11 centres de planification qui sont répartis sur l'ensemble du territoire vosgien, qui sont pour la plupart ouverts les mercredis après-midi, avec ou sans rendez-vous. Que dire d'autre ? Alors, c'est les centres de planification, ben, ils sont ouverts à tous. Alors, c'est vrai que le public qu'on accueille le plus souvent, c'est des jeunes. Mais on accueille également des adultes ou encore, enfin, qui n'ont pas, par exemple, de couverture sociale. En quoi consiste-t-il ? Alors, c'est moi qui réponds. Par contre, si vous pouviez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Bon. En fait, les centres de planification, c'est avant tout un espace ouvert donc aux jeunes, mineurs ou majeurs, qui viennent rechercher déjà une information sur la contraception, par exemple, qui peuvent également simplement venir parler de leurs difficultés affectives, relationnelles, voire sexuelles. Mais on y vient quand même principalement pour chercher une contraception, hein, qui est délivrée gratuitement, de façon anonyme et confidentielle. On peut également venir au centre de planification pour des dépistages d'infections sexuellement transmissibles, pour des diagnostics de grossesse et si jamais la jeune fille est enceinte et qu'elle ne souhaite pas forcément garder sa grossesse, poursuivre sa grossesse, on peut l'aider, l'accompagner vers une interruption de grossesse. Voilà. Y a-t-il une inscription à faire ou on a juste à venir comme ça pendant les heures, les créneaux d'ouverture ? Alors, le mieux, c'est quand même de prendre rendez-vous. C'est vrai que, alors là, je vais parler spécifiquement du centre de Remiremont. Donc, il est ouvert uniquement le mercredi après-midi et il se trouve au sein de la maternité de Remiremont. Donc, on peut venir sur rendez-vous ou même sans. Après, ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'on accueille également des jeunes en dehors de ces permanences-là, en dehors des mercredis après-midi. Donc il y a un numéro de téléphone bien spécifique et on peut aller recevoir en dehors de ces créneaux-là au sein de la maison de la solidarité et de la vie sociale de Remiremont. qui se situe juste à côté du centre des impôts. Donc il n'y a pas de bulletin d'inscription particulier? Non, pas du tout. Non, c'est justement ouvert pour que les jeunes puissent venir quand vraiment ils en ont besoin et qu'il n'y ait pas ce frein-là à s'inscrire. Enfin, voilà. Donc, quand on a une question, quand ils ont une angoisse parce qu'ils ne savent pas si elles sont, par exemple, les jeunes filles sont enceintes ou pas, au moins elles peuvent venir, il n'y a pas besoin d'inscription, c'est ouvert. D'accord. Ce qui est important, c'est que l'anonymat est totalement garanti. Oui. Et la prise en charge financière également, je crois, par le département. Ça, c'est... Donc, aucune hésitation à avoir. Je voulais vous demander s'il y avait une différence entre centre de planification et planning familial. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, le planning familial, donc, c'est un statut associatif. Nous, donc, on travaille au centre de planification et d'éducation familiale des Vosges et on dépend du département, hein, c'est-à-dire qu'on est placé sous l'autorité du président du conseil départemental. D'accord. C'est important de bien préciser parce que, par exemple, un jeune qui veut taper planning familial sur Internet, il va tomber à Metz et il va se dire, y a rien dans les Vosges, quoi. Alors que c'est important d'utiliser les bons mots, c'est le centre de planification. Il y en a dans tous les départements puisqu'ils dépendent, c'est un service du département. Donc vous, votre rôle, c'est d'être conseillère conjugale et familiale. Donc vous n'êtes pas forcément là sur toutes les comment dire. Vous n'êtes pas là sur toutes les permanences. Ouais, voilà, c'est ça. Alors si, je suis là. Alors pas forcément qu'à Remiremont, parce que mon secteur géographique est très étendu, puisque je vais de Remiremont à Neuchâtel. Donc un mercredi sur deux, je suis à Remiremont. L'autre mercredi, je suis sur Épinal. Donc moi, mon rôle en tant que conseillère conjugale, c'est d'accueillir les jeunes, de voir déjà pourquoi ils viennent, et surtout d'engager avec eux, de parler avec eux, de voir comment ils vont dans leur vie, au sein de leur famille, à l'école, enfin un petit peu, qu'ils aient un espace d'écoute en tout cas, et de les informer aussi. J'ai aussi un rôle d'information. Et ensuite, je passe le relais à ma collègue sage-femme ou médecin, ça dépend qui est présent, parce que moi, bien sûr, je ne suis pas un personnel médical, donc je ne peux rien prescrire. Mais par contre, j'ai un rôle d'écoute et c'est assez important parce qu'après, ça permet aussi aux jeunes de savoir qu'ils peuvent aller à cet endroit-là, ils seront écoutés et on prend le temps avec eux. Enfin voilà, il n'y a pas de durée d'entretien, on prend le temps avec eux de parler, de dialoguer, de les écouter, ça c'est important. Donc vous n'êtes pas que conseillère conjugale, quoi. Vous parlez aussi de la famille, des soucis. Alors la conseillère conjugale, c'est pas que pour les couples. Alors j'ai aussi une mission, j'ai aussi une autre mission dans mon poste, c'est effectivement de recevoir des couples ou des personnes seules qui se posent des questions sur leur vie amoureuse ou des couples qui n'arrivent plus à communiquer, qui ne s'entendent plus, qui ne savent pas s'ils veulent rester ensemble. Je reçois donc aussi des personnes seules qui se posent des questions sur leur vie amoureuse, sexuelle, affective. Des jeunes qui peuvent aussi venir me voir des adolescents qui se posent par exemple des questions quant à leur orientation sexuelle ou alors leurs difficultés affectives. C'est la conseillère conjugale, elle a toutes ces missions là. C'est pas que pour les couples, quoi. C'est un métier qui est encore pas très connu mais qui commence justement un petit peu à prendre un peu plus d'ampleur maintenant. D'accord. Donc du coup, vous, votre rôle, c'est d'aider les personnes à se trouver, à s'orienter, à trouver des solutions, des... Oui, c'est un espace d'écoute, de parole, c'est mettre en mots des difficultés, essayer de... Surtout quand, par exemple, un couple traverse une crise, c'est de poser les choses, c'est un espace de parole pour eux, et au moins, pendant ce temps-là, ils réapprennent à s'écouter, à se parler avec respect... avec un tiers qui finalement, le tiers permet justement de faire entendre un petit peu les non-dits, de rebondir là-dessus. Et c'est vraiment, c'est un rôle de prévention également. Voilà, rôle de prévention par exemple dans matière aussi de violence conjugale où je peux recevoir à la fois la victime mais aussi l'auteur s'il est demandeur d'aide. Donc, ça peut arriver. Comment ? Ça peut arriver qu'un auteur vienne à demander de l'aide ? Oui, ça arrive. Alors, pas énormément, mais c'est vrai qu'il y a très peu d'espace de parole pour les auteurs de victimes, des auteurs de violence. Et voilà. Mais il faut bien sûr qu'il soit demandeur d'un changement, quoi. Le conseil conjugal, il faut forcément que la personne soit demandeuse d'un changement. C'est pas imposé, on peut pas l'imposer à quelqu'un. Voilà. Si vous avez, par exemple, une personne mineure qui vient pour des problèmes familiaux, est-ce que vous, par la suite, vous allez prendre contact avec ses parents pour essayer d'avoir un rôle de médiatrice ou... C'est possible, oui. Ça dépend du travail que je fais avec le jeune. Ça dépend de la demande du jeune. Je peux le voir tout seul. Après, effectivement, si c'est un problème de communication, puisque voilà, conseil conjugal et familial, je peux également recevoir les parents, aider un petit peu, faciliter la parole. Quelquefois, le jeune se dit « mais j'arriverai jamais à le dire tout seul ». Enfin, voilà, des choses... c'est aussi un peu médiatiser un peu la parole dans la famille, dans le couple, voilà, c'est tout ça. D'accord. Et au niveau des contraceptions, comment faites-vous pour réussir à adapter chaque contraception à chaque personne à... Alors ça, je te laisse. Alors, c'est déjà en discutant déjà avec la personne. De savoir ce qu'elle a envie, de savoir si par exemple, si c'est une personne qui est un petit peu tête en l'air, qui aura tendance à oublier la pilule, on va peut-être lui proposer autre chose, hein, parce qu'il n'y a pas que la pilule dans la vie, il y a plein d'autres moyens de contraception. Après le tout, c'est de prendre le temps d'échanger avec la personne pour savoir ce qui pourrait lui correspondre le mieux possible, tout en sachant, voilà... On prend le temps aussi, s'il faut, de réadapter la contraception par la suite. On peut essayer, par exemple, tel type de pilule, c'est possible que ça ne lui convienne pas. À ce moment-là, on change. Après, nous, les jeunes qu'on reçoit, on les voit, la première contraception. Après ça, on les reçoit 3 mois après pour refaire le point avec eux. Si ça convient, on fait par exemple un renouvellement pour 6 mois dans le cas d'une pilule. Si ça convient pas ou si on a des petits doutes, on les revoit 3 mois après. Donc il y a quand même un suivi qui est assez régulier pour pouvoir réadapter s'il le faut la contraception. Donc vous, clairement, vous accompagnez du début jusqu'à ce que la contraception soit trouvée, quoi. Entre autres, oui. Oui, je voudrais te dire, l'examen gynécologique n'est pas obligatoire. Tout à fait. Et ça, c'est important pour des jeunes filles qui auraient cette crainte, de cette espèce d'inquisition de l'examen, cette espèce d'agression que peut représenter un examen gynécologique. Ça n'a rien d'obligatoire. Hein. Et je crois qu'une contraception est d'autant mieux acceptée, vous avez raison de le dire, que quand elle est bien acceptée, assumée par la patiente, et c'est ce type de contraception qui lui correspond, et c'est selon ses désirs. Si on impose une contraception qui ne correspond pas vraiment aux souhaits de la patiente, elle sera mal suivie, mal acceptée, et probablement inefficace. Hein. Je crois qu'il faut partir de la demande de la patiente. Oui, tout à fait, oui. Quelle est l'équipe qui s'occupe du planning familial ? Il y a vous, sage-femme, une conseillère conjugale et familiale, des médecins, des gynécologues, des... Alors, tout dépend des centres, comme c'est ce que je disais. Donc il y a au centre qui sont répartis dans toutes les Vosges. Après, chaque centre fonctionne, au niveau des professionnels, ça fonctionne un petit peu différemment. Il y a certains centres où il y aura uniquement une sage-femme, d'autres centres où on aura la chance d'avoir conseillère conjugale, sage-femme et médecin. Généralement, on fonctionne souvent par binôme. Ça peut être médecin, conseillère conjugale, sage-femme, conseillère conjugale ou médecin. Mais ça, c'est en fonction des centres. En tout cas, sur le secteur de Remiremont, il y a un médecin, conseillère conjugale et puis sage-femme. Et on tourne régulièrement. Donc là, c'est toujours vous, la sage-femme de Remiremont, vous vous relayez pas avec une autre... J'ai une autre collègue sage-femme qui intervient également à Remiremont. On est 4 sur Remiremont. Donc il y a Sylvie Renaud qui est également sage-femme. Au niveau médecin, donc c'est le docteur Dominique Valence qui intervient, qui est médecin gynécologue, qui intervient à peu près de 2 fois par mois. Et puis, il y a Corinne également qui intervient. There's a life outside I didn't know. So I wish we could both rewind. Did you notice that the feeling ain't never gone? Did you notice it's the feeling you've been running from? You wouldn't notice if your eyes ain't falling for me. Did you open up my heart just to take it from me? So why don't you lose yourself? Je voulais savoir sur le plan psychologique, je pense que ça vous arrive d'avoir des victimes des victimes et je voulais savoir si vous arriviez à trouver du temps sur le plan psychologique. Alors, on n'est pas des psychologues. Par contre, oui, du temps pour les écouter, ça c'est sûr. Parce que c'est très important d'offrir ce temps-là et aussi de leur dire qu'on les croit, c'est aussi quelque chose de très important. Et après, on peut les accompagner, les orienter vers des spécialistes, donc psychologues ou autres, ou dans des associations type CIDF, CIDFF, pardon. Mais oui, bien sûr, on en reçoit et on prend le temps, quoi. Et on peut les revoir à plusieurs reprises parce que quelquefois, elles ne sont pas prêtes à en parler. Ou un psychologue, ou même à aller porter plainte, eh bien, on prend ce temps-là de les accompagner, de les recevoir à plusieurs reprises pour justement les aider à cheminer et qu'elles arrivent à aller porter plainte ou se faire aider sur un plan psychologique. Mais nous, on n'est pas psychologue, quoi. Oui, je sais bien. Vous n'êtes pas psychologue, mais vous avez quand même un abord extrêmement soigneux, je dirais, de la personne que vous avez en face de vous. Et il y a une sorte d'asepsie verbale. Il est quand même important d'écouter et d'avoir une empathie importante vis-à-vis de ces patientes qu'elles aient l'impression de... et que ce soit pas qu'une impression d'être vraiment pris en charge, d'être compris. Je crois que c'est très important. Oui, c'est très important. Je pense que ça demande quand même une formation personnelle de type psychologie, si elle n'est pas officielle, qui doit exister dans les faits. La frontière est quelquefois assez floue entre les deux. Moi, je dis souvent, je suis un peu le sas de préparation. Et quelquefois, des personnes qui arrivent et qui disent « jamais j'irai voir un psychologue », voilà, en les voyant de façon régulière, toujours à leur demande, hein, bien sûr, toujours à leur demande, ça c'est important. Quelquefois, on arrive à ce qui est d'elles-mêmes, elles disent ben, « maintenant, voilà, je suis prête, j'ai besoin de ça, je suis prête », quoi. Ça, c'est important. Et ça prend le temps que ça prend, voilà, peu importe. D'accord. Donc voilà, vous, votre rôle est de accompagner, mais pas que sur le plan psychologique, quoi. Vous orientez ensuite les demandes, quoi. Ben, forcément, oui, on passe le relais. Oui, à un moment donné, quand personnellement, voilà, je sens que c'est plus de ma compétence, ça va au-delà. J'oriente vers du personnel. Voilà, vers des professionnels qui pourront mieux répondre à la demande de la personne à ce moment-là, quoi. Je voulais savoir aussi au niveau des plannings familiales, si vous étiez au courant, si dans les autres pays, comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi facile d'accès qu'en France? C'est pas pareil? Non, c'est différent. Enfin, même la législation n'est pas la même. Donc, un peu complexe de pouvoir répondre à cette question. Donc en France, on a clairement une chance d'avoir... Oui, enfin, de pouvoir accéder de manière... anonyme, d'accéder et gratuite. Assez facilement, on va dire, à la contraception, de manière anonyme, de manière gratuite. Et aussi, ça on ne l'a pas précisé, c'est-à-dire que les mineurs qu'on reçoit, les parents ne sont pas toujours au courant. Hein, donc on peut délivrer un moyen de contraception sans avoir besoin de l'autorisation des parents. Et ça se passe comment, du coup, niveau carte vitale, mutuelle? On ne demande rien. Rien du tout? Rien du tout. Pas de carte d'identité, pas de carte vitale pour toute demande de contraception. Bah oui, parce vous que distribuez du coup, même, c'est plus je anonyme. Crois, les produits contraceptifs. Alors, on a des accords en fait particuliers avec les pharmacies. Donc, c'est-à-dire que le jeune sera en pharmacie avec une ordonnance du centre de planification, avec une petite étiquette bien spécifique, où il y a une prise en charge du conseil départemental. Ce qu'on distribue, c'est uniquement les préservatifs et la pilule du lendemain. Voilà. Donc les parents, la famille, en aucun cas, ne peuvent être au courant de quoi que ce soit. Ça, c'est important. Cet anonymat est très important. Donc il n'y a rien en rapport avec la sécu, clairement. Aucune trace, aucune piste. En tout cas, pas en matière de contraception. Et c'est pas un service proposé par l'État, c'est... Alors, si. Si. Si, mais c'est compliqué de... Après, c'est au niveau de la... de la cotation, au niveau de la sécurité sociale. Enfin, il y a une anonymisation au niveau des soins. Bon, je sais qu'à Remiremont, ça n'a jamais posé de soucis. En tout cas, tout est anonymisé de manière assez particulière. Donc, moi, j'ai jamais eu de remontée de ce côté-là, en tout cas. Enfin, en tout cas, ce qui a pu remonter dans d'autres hôpitaux, voilà, c'est au niveau de certains examens. Je pense que vous avez déjà eu des cas comme un parent qui se rend compte que l'enfant va au planning familial et lui cache des choses et qui viennent à votre vous rencontrer et vous poser des questions. Ça doit pas être très facile à gérer. Comment vous faites ? On est soumis au secret professionnel. Donc voilà ce que le jeune nous a dit. On n'ira pas le divulguer en tout cas aux parents. Après, il n'empêche qu'on peut aussi discuter avec les parents d'autres choses, mais on ne discutera pas du dossier de leur enfant, ça c'est clair. Vous le secret médical est quelque chose d'absolu. Voilà. D'absolu. C'est une des premières règles du soignant. Garder pour soi les choses dont on aura eu connaissance au cours d'un acte médical et des propos qu'on aura pu recueillir d'un patient. Ça, c'est total, le secret est absolu. Et donc vous ne pouvez même pas divulguer le pourquoi l'enfant est venu, quoi. Rien non, du non, tout, non, du non, tout, non. du en tout. En aucun cas, jamais, jamais. C'est quelque chose vraiment d'absolu et c'est même... extrêmement puni par la loi de violer le secret médical. Bien qu'il y a quelquefois des tentatives on dirait, de certaines administrations qui voudraient être inquisitrices, il n'en est aucunement question. Jamais. Jamais, c'est vraiment absolu. Je voulais vous demander aussi comment vous faites pour essayer de sortir une jeune fille en cas de détresse, violence, abus sexuels, je ne sais pas, perte de confiance. Après, nous, ce qu'on propose, ça dépasse quand même nos missions. Après, nous, ce qu'on propose, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment un accompagnement, essayer de garder un lien avec la jeune et l'amener petit à petit, voilà, vers d'autres structures, hein, type, ça peut être le CMP, la maison des ados. Après, par contre, on est aussi tenu par la loi, à savoir, effectivement, si une jeune fille vient nous confier qu'elle a été violée, qu'elle est toujours en lien avec son agresseur, on est tenu de ça, par contre, qu'elle est mineure, d'autant plus, on est tenu de le signaler au procureur de la République. Ça, c'est incombe à tous les tous citoyens, d'autant aussi, surtout si elle est encore en lien avec son agresseur. Donc ça, c'est pas négociable, quoi. Mais ça, c'est expliqué, c'est accompagné. Voilà, on ne fait pas ça dans son dos, on lui dit et on l'accompagne, quoi. Oui, vous lui expliquez pourquoi vous faites cette démarche. Parce que c'est la loi, c'est comme ça. Ouais. D'accord. Ouais. C'est vrai que ce qui change la donne, c'est s'il y a danger immédiat ou pas. Voilà. Il faut préserver effectivement ces jeunes filles. C'est notre premier rôle. Et si on porte la connaissance, c'est un juge, donc c'est quelqu'un qui est lui-même tenu à certaines formes de secret. Voilà. Donc du coup, si j'en déduis bien, vous travaillez bien avec des associations. Vous réorientez, On peut travailler aussi, on travaille quand même ensemble. Oui. Ouais. Le partenariat, c'est important, puis c'est fondamental. C'est aussi important... de bien déjà connaître son partenariat pour pouvoir orienter les personnes le mieux possible. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'orienter quelqu'un, on n'est pas sûr et la personne perd du temps, perd confiance et on ne la revoit plus, quoi. Donc il n'y a rien de pire. Donc déjà bien connaître le tissu associatif sur lequel on peut s'appuyer et puis orienter, quitte à même l'accompagner physiquement vers la professionnelle ou le professionnel. J'ai entendu dire, je dis bien entendu dire, que certains centres et planning familial font des actions contre les discriminations liées au genre ou à l'orientation sexuelle et aussi des actions contre la violence faite aux femmes, violence et violence sexuelle. Alors ça, c'est aussi la deuxième, une autre mission du centre de planification. On fait également, en plus des permanences, on fait également des actions collectives, surtout en direction des jeunes, donc que ce soit dans les milieux scolaires, mais aussi partout où il y a des jeunes. Donc ça peut être MJC, ça peut être CFA, MFR, partout où il y a des jeunes. Donc on a effectivement des actions de prévention de type collectif, où on aborde un peu toutes ces problématiques-là, effectivement. On insiste beaucoup sur les notions de consentement, notions de violence, de respect. On aborde, la contraception, mais on insiste surtout sur le dialogue avec les jeunes, sur toutes ces notions qui sont fondamentales. Le consentement, c'est quand même une notion fondamentale. Et de respect, de vivre ensemble, de se connaître, de connaître l'autre. De se respecter. De se respecter, de respecter l'autre. Voilà. Est-ce que vous êtes amené à intervenir pour des cours d'éducation sexuelle dans des écoles, des lycées Alors, cours, on n'aime pas. Mais... on n'est pas là pour faire un cours de SVT, déjà. Non, mais c'est, je pense que ce serait pas mal, adapté à chaque âge de la vie. Mais... oui. Parce que finalement, ça fait partie de la vie et ça devrait faire partie de l'école. Et je suis stupéfait, moi, dans ma carrière, j'ai été stupéfait de l'ignorance de beaucoup de couples ou de femmes sur leur physiologie, sur leur manière de fonctionner, sur leur sexualité, sur leur capacité de reproduction. J'ai entendu des choses, mais qui étaient un petit peu tristes et consternantes, finalement, par le manque de connaissances, le béaba, quoi, en fait. Hein, Et je crois que là, il y a un gros travail à faire. Je ne sais pas si vous êtes amené à le faire. Alors, nous, on dépend un petit peu de la demande, en fait, des établissements. Après, il y a quand même une loi qui encadre tout ça, la loi de 2001. Mmh. Et normalement, ce type d'intervention devrait se dérouler déjà dès la primaire. Hein. Oui, ouais. Oui, puis bien entendu. À raison de trois séances par an, par classe d'âge. Oui. Et c'est loin d'être fait. La loi n'est pas respectée. Ouais, on est en train de penser que la loi n'est, n'est pas respectée. Moi, j'ai été amené à faire quelques cours dans le secondaire, dans des écoles, mais je dirais une fois par an ou tous les 2-3 ans. Hein, c'était quelque chose d'extrêmement épisodique. Après, on se rend compte dans les interventions, parce que ça, normalement, c'est abordé par les profs d'SVT quand même. Hein, oui. Il y a des cours, je crois, déjà en primaire, en CM2, me semble-t-il. Et en quatrième, ils font l'appareil génital, la reproduction, etc. Mais on s'aperçoit quand même très fréquemment dans nos interventions qu'effectivement, c'est pas très bien, ils sont un peu perdus, quoi. Oui. Donc on peut reprendre ça avec eux. Oui. Mais le but, c'est pas de donner le cours, mais on reprend forcément parce qu'on voit bien que sinon ça fait pas sens, quoi. Ils comprennent pas. Et quelquefois, on reprend, quoi. Dans la connaissance, c'est un petit peu la base de tout en la matière. Bien sûr. Et une connaissance précoce, assumée, vécue comme quelque chose faisant partie de la vie. Et je pense que ça, c'est le libre choix, le consentement, comme vous dites. C'est des idées qui doivent être, j'aime pas le mot, mais inculquées très tôt. Ouais. Ça fait partie de la culture de chaque personne. Sometimes, you know, what else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. We'll be right back. Pour revenir là-dessus, moi qui ai été à l'école, j'ai été en quatrième et on a bien ces fameux cours où on explique un peu la sexualité. Clairement, je savais qu'une femme pouvait prendre la pilule et un homme pouvait se protéger avec un préservatif, mais je savais pas qu'il y avait d'autres contraceptions, qu'il y avait d'autres moyens de contraception, aussi pour les hommes que pour les femmes. Enfin, oui, alors il nous explique clairement, le garçon met un préservatif, la fille, c'est la pilule, et puis c'est tout, quoi. Enfin, on n'exploite pas... Moi, je sais qu'on m'a pas appris plus que ça, quoi. Voilà, le garçon, la fille, et c'est tout. Ils expliquent pas non plus... je trouve pas que c'est assez préventif, quoi. Il n'y a pas assez de prévention, attention à ce risque, attention à tel risque, attention aux maladies. Non, il y a... Voilà, on vous montre c'est quoi une plaquette de pilules, un préservatif, on vous dit que ça peut craquer et ça s'arrête à là, quoi. Alors là, c'est une vision un petit peu réductrice, voilà, qu'on pourra avoir, la sexualité, la sexualité, c'est pas que des maladies, que la grossesse, et on peut pas, avoir une vision non plus trop sanitaire. C'est quand même important quand même de connaître les risques, mais nos interventions, en tout cas, on les limite pas à ça. Enfin, on veut aussi donner une vision aussi positive de la chose, ouais. Parler aussi du plaisir aussi. Enfin, ouais. Je veux dire, on n'a pas une sexualité juste pour se reproduire, c'est aussi pour plein d'autres choses. Bien sûr. Nous, on essaye de parler de plein de choses. Enfin, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur le consentement, sur le respect, parler aussi de la différence. Au sens général, c'est vrai que c'est plus particulièrement axé sur l'homosexualité. Le but, c'est pas de leur dire c'est comme ci, c'est comme ça. Non, c'est de les amener à échanger des idées, des points de vue. On a le droit de pas être d'accord, mais c'est de les amener à réfléchir, vraiment. Après, ils prendront ce qu'ils veulent, mais pour que, qu'il y ait quand même une sorte d'esprit critique, quoi. Les amener aussi à réfléchir par rapport à ce qu'ils peuvent voir aussi dans les médias. On est quand même d'une société, hyper sexualisée aussi. Les amener à réfléchir, à avoir un autre regard, juste s'interroger. Pas dire c'est bien, c'est pas bien. Non, juste qu'ils s'interrogent, qu'ils se posent des questions. Oui, effectivement, vous avez raison. Les médias sont loin de donner une image objective de la vie sexuelle et affective réelle de tous les jours. Hein. Je crois que le corps idéal, l'extase idéale, il y a beaucoup à dire et à modérer sur ça. Je pense que les médias ont une responsabilité qui n'est pas toujours... Très bien. Et puis, nous vivons dans une culture, un petit peu de répression en la matière, qui était une répression religieuse qui perd un petit peu de son actualité actuellement. Hein. Je pense que c'est sur le sujet, c'est pas mal aussi, parce que il y a des formes d'éducation qui ont pu être extrêmement répressives sur le sujet et entraîner un mal-être des individus et des couples. Et puis, je crois que c'était préjudiciable. Voilà, petite remarque. Mais je pense que certaines jeunes filles viennent vous voir à cause de ça, d'ailleurs. C'est-à-dire, hein, j'ai pas entendu. Au niveau de tout ce qui est religion, etc. Il y a moins d'ouverture d'esprit dans certains. Religions ou dans d'autres ou des parents, tout simplement. Moi, je pense pas. Je pense que toutes les religions ont une sorte d'emprise sur les couples et sur les individus et ont voulu contrôler la sexualité, la reproduction de la population. Hein. C'était une tentative, je pense, qui est assez unanime dans l'ensemble des religions, enfin, à mon avis. Hein. Je ne veux pas faire de la part des choses, ni de racisme, ni de différence. Hein. Je crois que c'était... Mais c'est historiquement aussi, les religions ont eu un effet je dirais que jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à la Renaissance, les religions avaient une emprise considérable sur la vie des personnes. Quand vous posiez une question d'ordre philosophique ou autre, vous alliez voir le curé et il vous répondait, l'affaire était entendue. À partir de la Renaissance, je dirais, est arrivé l'éclosion de la science, où on pouvait expliquer des tas de choses comme la reproduction, l'anatomie, etc. Et on répondait autrement que par une simple croyance, un simple diktat d'une religion. Et ça a été le début un petit peu du déclin de l'emprise religieuse sur la vie de tous les jours de tout un chacun, y compris la vie sexuelle. Oui, oui, oui, du coup, oui. Mais je ne suis pas anti-religieux primaire. Je voulais vous demander, est-ce que vous vous rendiez compte au fil des années si la demande était de plus en plus forte, un petit peu moins forte, si vous voyez une différence au cours des années, je ne sais pas, des profils plus jeunes, plus vieux, Elle est surtout, je trouve, plus banalisée. C'est extrêmement banalisé. Plus forte, je ne sais pas. Enfin, voilà, je trouve que, voilà, banalisée, il y a une notion d'intime qui n'existe quand même plus vraiment avec les réseaux sociaux où très facilement, une notion d'intime n'existe. Enfin, moi, c'est mon ressenti. On se dévoile facilement. Enfin, voilà. Donc voilà, il y a à s'interroger. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Hein, je vais pas mettre une norme là-dessus, mais en tout cas, ça pose certaines des questions et quelquefois des soucis quand même assez graves, quoi. Pour des jeunes qui peuvent être plus fragiles. Psychologiquement aussi. Oui. Notamment avec les sex tapes, sur les réseaux sociaux, etc. Il faut avoir. Vous êtes mené à recevoir des jeunes qui... Bien sûr. Qui sont extrêmement mal parce que... ils ont voulu envoyer une photo. Le petit copain avait demandé. Et ils ont cru qu'elle resterait anonyme. Enfin, qu'elle resterait dans le cadre juste au petit copain. Et puis ça a été dévoilé. Et ça prend des proportions. Après, c'est une emprise mentale sur la personne. Donc, ça peut aller très loin. Ouais. Oui. Et puis, ça touche pas que les jeunes, hein. Chez les adultes aussi. Hein. Oui, je pense bien, mais bon, je trouve ça lâche, c'est un petit peu du chantage affectif, entre autres. Oui. C'est oui. Facile. Mmh. C'est. C'est facile, je trouve. J'ai une question qui n'a peut-être pas très en rapport. Est-ce que vous avez eu plus de visites ou de sollicitations suite à la polémique de la pilule 3e génération? Disons que on a toujours pris le temps. Enfin, on a cet avantage-là au centre de planification, c'est-à-dire que on peut prendre le temps avec les jeunes d'échanger sur les moyens de contraception. Après, la première visite est très très longue parce qu'on explique tout en long en large, que ce soit les effets secondaires, pourquoi on va faire tel ou tel examen. Le but c'est qu'ils aient, que les personnes aient toutes les infos pour pouvoir prendre une décision. Après, la polémique qu'il y a eu sur les pilules 3e génération, est-ce que ça a eu un impact? Pas tant chez les jeunes. Hein. Oui. Ouais. Chez les femmes de 30-40 ans. Quoi. On l'a plus entendu, nous, chez des patientes relativement plus âgées. Ouais. Et il faut relativiser quand même pas mal ces problèmes, puisque. Je vais rappeler encore quelques chiffres. Le taux d'accident thromboembolique chez une femme sans contraception est de 2 pour 10 000. Contraception de deuxième génération, c'est de 4 pour 10 000. Et contraception de troisième, quatrième génération, c'est entre 6 et 8 pour 10 000. Donc ça reste des chiffres relativement très bas. C'est vrai, majoré pour les troisième génération, mais nettement inférieur au risque que l'on rencontrerait en cours d'une grossesse non désirée, par exemple. On fait plus de phlébites, d'embolies, de choses comme ça. Donc, l'idéal, c'est de commencer par la contraception qui présente la plus grande innocuité pour la patiente, qui présente le moins de risques, qui est facile à prendre, qu'elle accepte. Et c'est de principe, maintenant, c'est de choisir les deuxièmes générations comme pilule. Mais si elle ne supporte pas ces deuxièmes générations ou qu'il y a des désagréments, ou, eh bien, il ne faut pas s'obstiner, il faut passer à une troisième, quatrième génération. Voilà, c'est en prévenant bien les patientes des risques éventuels, des signes qui peuvent arriver si elles faisaient des risques, un problème thrombobolique. Mais c'est rarissime. Hein. Vous voyez, de l'ordre de 6 pour 10 000 patientes, ben, c'est pas beaucoup. Il faut quand même rassurer les patientes. Je crois qu'il y a eu une polémique importante. Ça fait un gros boom, en fait. Je pense que les médias ont engrossé les choses et tout le monde a pris peur, tout le monde a été paniqué. Et je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas eu d'arrière-pensée commerciale là-dessous même. C'est fortement probable vu la société actuelle. Voilà, c'est dit. Il faut rassurer les patientes. Et leur dire surtout de ne pas arrêter des contraceptions en cours intempestivement sans avoir trouvé une solution de rechange. Puisque c'est là que surviennent les accidents de grossesse non souhaités. Hein. Et qu'il y a une solution pour toute patiente, pour tout âge, pour toute sexualité. Voilà, c'est... Solution à tout problème. Voilà, il y a une solution à tout problème. Venez le mercredi après-midi, on réadaptera, on trouvera ce qu'il faut pour satisfaire les patientes, pour que ce soit acceptable et bien vécu. C'est pas du premier coup à chaque fois que vous trouvez une solution adaptée de contraception. C'est du prêt-à-porter. Oui. On peut être amené à changer deux fois, trois fois, quatre fois de contraception, le temps de trouver ce qui convient le mieux. Et c'est là où c'est pas mal d'avoir justement un médecin tel que le docteur Valence qui peut, sur des arguments médicaux, choisir et adapter un petit peu mieux avec la patiente. Oui, parce que chaque contraception a un petit effet négatif, entre autres. Par exemple, pour la pilule, si on est fumeur, c'est pas bien pour le sang, il circule moins bien. Il y a toujours l'implant au début, je crois que les règles c'est un petit peu décalé. Des petits saignements, voilà. C'est intempestif. Y a des contraintes, des petites contraintes à chaque contraception en fait. Exactement, oui. Toute contraception, le revers de la médaille, ne serait-ce que par, même une pilule bien supportée, ne serait-ce que par lassitude de prendre tous les jours son comprimé à heure fixe, ça devient quelquefois difficile. Il y a des patientes qui ne souhaitent faire autre chose, même si c'était bien supporté par ailleurs. Cette contraception vous rappelle un petit peu tous les jours qu'il faut faire quelque chose pour contrecarrer la fertilité. Et des fois, je pense qu'il y a un rôle important aussi en matière d'information à discuter de la fertilité, de la programmation des grossesses futures, etc. Inhiber la grossesse, c'est bien, mais en condition d'avoir ce double discours, je pense qu'il faut informer dans les deux sens, je crois. C'est pas mal. Une petite remarque comme ça. Et donc là, pour sortir du planning familial avec les jeunes, vous avez des autres rôles en dehors des jeunes, hein, je parle. Vous m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez un autre côté. Oui, je m'occupe également des femmes enceintes. Hein. Donc, au sein de la maison de la solidarité et de la vie sociale, donc je travaille dans le service de protection maternelle et infantile où je propose un accompagnement global des femmes enceintes. Alors après, ça ne substitue pas du tout au suivi médical, c'est-à-dire que les personnes que je suis sont suivies médicalement par un médecin, par une sage-femme. C'est toujours quelque chose en plus qu'on propose pour accompagner la personne dans sa grossesse. Donc c'est vraiment un accompagnement global dans le sens où certes, il y a le côté médical, mais pas que. C'est aussi beaucoup de social et de psy. Voilà. D'empathie, on va dire, compréhension, Oui, bah on prend, enfin on a ce luxe-là, enfin on peut prendre le temps avec les personnes pour discuter de ce qui va, de ce qui va pas, de reprendre aussi. Bon, on s'assure quand même que d'un point de vue médical, voilà, enfin, je veux dire, tout va bien. Aussi, de reprendre aussi les examens médicaux que les personnes n'auraient, enfin, n'auraient pas compris, par exemple. Les encourager quelquefois aussi à se faire suivre ou à réaliser certains examens aussi. Mais enfin voilà, c'est vraiment un temps d'échange qu'on propose. Bon, la partie vraiment médicale qu'on peut réaliser, c'est des monitorings. Après, sur le secteur, enfin bon, là je parle vraiment de ma situation. On est quand même bien pourvu au niveau des sages-femmes libérales. Donc c'est vrai que moi je réoriente quoi. S'il y a besoin, enfin on a vraiment un rôle, on va dire complémentaire. Oui, vous êtes une équipe. Alors, enfin, les libérales, voilà, elles s'en sont mais compte. Mais voilà, en tout cas, on travaille en partenariat. Voilà, vous relayez, c'est vraiment quoi. Ça. D'accord. Et vous, du coup, en dehors de Remiremont, vous déplacez sur tout le département. Mm-hmm. Et vous vous déplacez uniquement dans les autres centres de planification ou... En général, dans les maisons de la solidarité, sur tout le département, quand par exemple je reçois un couple, je ne vais jamais au domicile du couple, hein, bien évidemment. Je reçois toujours au plus près du... Donc dans une maison de la solidarité de la vie sociale, au plus près du domicile du couple. Voilà. Effectivement, je me déplace sur la quasi-totalité du département. Donc moi, je peux recevoir également des parents, voilà, des parents, des familles... Vous pouvez jeunes. Aussi recevoir des parents qui se sentent à bout parce que leur enfant est en crise d'adolescence et ne savent plus comment faire. Oui, c'est complètement possible. Et essayer de poser un peu les choses, de parfois dédramatiser aussi, parce qu'on ne se souvient pas trop quand on est adulte quel ado on a été. Donc c'est aussi de permettre voilà, de remettre des mots, de dédramatiser un peu les choses. Et puis si effectivement on voit que ça dépasse un peu nos compétences, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un danger pour l'enfant, enfin l'ado ou l'enfant, après c'est de passer le relais au service social. Mais j'ai d'abord, oui, un rôle quelquefois de juste de remettre en mots, de pouvoir poser les choses, que chacun puisse s'exprimer, puis surtout être entendu, parce qu'on peut se parler, mais on peut ne pas s'écouter surtout. Donc quelquefois ça permet de dédramatiser et puis de voilà d'arranger un peu les choses quoi. Donc vous voyez pas que des jeunes couples ou que des enfants où ça va pas avec les parents, vous un peu voilà, c'est assez vaste au niveau du public. Je peux voir également des plus petits aussi qui ont par exemple un comportement sexualisé, on va dire, hypersexualisé, qui tiennent des propos, par exemple, très sexualisés. Donc, c'est aussi une orientation qu'on peut me faire, ou des ados aussi, qui ont des comportements qui posent question au niveau de la sexualité. Donc, je les reçois en individuel pour justement essayer de comprendre, de vérifier s'ils ont conscience un peu des risques aussi hein, qu'ils peuvent prendre, parce que quelquefois, c'est ça aussi, hein, se mettre en danger. Et voilà, c'est un accompagnement là encore. Et toujours pareil, si je vois que ça dépasse un peu et qu'il y a besoin d'autre chose, je réoriente. Je voulais vous demander aussi, parce que je pense que c'est pas facile tous les jours. Vous voyez des drames, des voilà, et ça empiète pas sur votre vie privée. Vous essayez de prendre parti, quoi. Après, il y a des situations qui nous touchent voilà, plus particulièrement. Après, on est des êtres humains. On a quand même un minimum d'empathie, de bienveillance. Et enfin, voilà, c'est sûr qu'il y a des choses qui... Voilà, enfin, il y a des situations qui peuvent vraiment nous affecter. Mais après, voilà, on reste quand même aussi une équipe avec qui on peut échanger. Avec qui, voilà, ça peut être bien de discuter de certaines situations pour avoir un autre regard aussi. Surtout, quelquefois, enfin, ça peut nous arriver aussi de manquer de recul. Hein, et ça peut faire du bien d'avoir un regard extérieur à la situation. Alors là, je parle de manière générale, hein, pas spécifiquement du centre de planification, hein, mais même au niveau des suivis qu'on peut être amené à faire. Oui, dans le milieu médical, on est quand même soumis à des émotions quelquefois assez forte à cause du vécu des gens que l'on peut côtoyer et soigner. Il faut faire la différence entre ce qui est l'empathie où on se met à la place du patient pour ressentir ses émotions et la sympathie où on éprouve, je dirais, une bienveillance tout en sachant que l'autre est une personne différente de soi. Et c'est comme ça, je pense, qu'on arrive à faire la différence et à ne pas être insensible, mais à savoir laisser son vêtement professionnel dans le bureau et rentrer chez soi, vivre une vie normale. Voilà, c'est ça que je voulais demander, si parfois ça empiétait pas un peu sur... Si vous arriviez aussi à trouver toujours du temps pour chaque patient, parce que j'ai l'impression que c'est un métier où vous courez sans arrêt, quoi. Du temps, voilà, quelquefois c'est nécessaire de le prendre, ce temps-là, pour pouvoir rediscuter de certaines situations. Le but, c'est pas de faire un burn-out non plus. Mais voilà, moi personnellement, je prends ce temps d'échanger sur des situations qui peuvent me poser problème en tout cas. Oui, donc vous aussi, parfois vous avez besoin d'évacuer. Oui, mais après voilà, c'est tout en garantissant quand même la confidentialité des informations. Puis de toute façon, il y a des situations qu'on ne peut pas gérer seul. On a besoin de l'appui du service social, comme on peut avoir besoin du service de protection de l'enfance dans certaines situations. Bah écoutez, ça va déjà bientôt faire une heure qu'on discute. Ça passe vite et je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose qu'on a oublié de développer. Que j'aurais pas parlé ou oublié ou je sais pas. Non, on ne peut qu'inciter les jeunes patientes à ne pas hésiter à venir le mercredi après-midi à la maternité de Remiremont, rencontrer conseillère conjugale, sage-femme, médecin, pour ne pas hésiter. Hein. Un petit coup de fil ou même sans coup de fil, je crois qu'il faut pas hésiter. Hein. Ces patientes ou même ces jeunes couples, quelquefois, trouveront une écoute bienveillante et pourront exprimer leurs demandes dans un anonymat le plus complet, sans examen intempestif. Oui, comme vous l'avez dit, il faut bien le rappeler, ce n'est pas obligatoire une auscultation. Oui. Enfin, c'était d'autres... Écoutez, je voulais vous remercier tous les trois d'être venus, d'avoir répondu présent pour mon invitation. J'espère que cette émission aidera des jeunes filles en détresse. Et je voulais encore vous remercier et voilà. Merci. Merci et au revoir à tous vos auditeurs.